Bon, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wa alahu amma ba'd. On commence aujourd'hui le cours numéro 68 dans l'explication du livre de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen qui s'intitule Aqidatu Ahlus Sunnah, et c'est le charh, c'est le charh du Cheikh ibn Uthaymeen qu'on lit maintenant. J'ai la traduction aussi de ce de l'original ou bien du livre de base, la croyance des gens de la Sunna, et comme je disais, on est arrivé au chapitre ou bien au point au sujet de la foi en les messagers, l'iman ou bir rasul. Et hier on expliquait à propos des différents anges, et on était rendu maintenant à la parole du cheikh lorsqu'il dit wa minhum al malaikatul muwakkaluna bi ahli al janna, c'est-à-dire qu'il y a des anges qui ont pour responsabilité de s'occuper des gens du paradis. Donc ils ont comme tâche et comme responsabilité de s'occuper des gens du paradis. Juste pour voir où est-ce qu'on est rendu là dans le livre, c'est ça, les anges chargés des gens du paradis. Il dit wa qawluhu wa minhum al malaikatu al muwakkaluna bi ahli al janna ay malaikatun muwakkaluna bi tahniyati ahli al janna wa idkhal al surur alayhim. Qala ta'ala wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار فنعم عقب الدار. سبحان الله. فيكون عند الإنسان سرور عظيم أن تتلقاه الملائكة يقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الشيخ يقول يا des anges que Allah subhanahu wa ta'ala a chargé de féliciter lorsque les croyants vont rentrer au paradis. Eux, ces anges-là, ils vont être à l'entrée, ils vont féliciter les gens du paradis lorsqu'ils rentrent au paradis. Et ils vont faire rentrer la joie chez les croyants en les félicitant au jour de la rentrée du paradis. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 23 et 24 dans Surat al-Ra'd, de chaque porte ils entreront auprès d'eux, c'est-à-dire les anges, et ils diront paix sur vous pour ce que vous avez été patient et qu'est-ce que vous avez enduré, heureux sera votre ultime séjour. Subhanallah. Donc ils disent salamun alaykum bima sabartum, salamun alaykum. Donc les anges ils disent salamun alaykum bima sabartum, c'est-à-dire parce que vous avez été patient pour ce que vous avez enduré dans la vie d'ici-bas. Donc imaginez la sensation, imaginez l'émotion des croyants à ce moment-là où ils entrent au paradis pour la première fois et les anges les accueillent avec ce genre de salutation, et leur dit félicitations, paix sur vous, vous avez été patient, maintenant voici qu'est-ce qui vous attend, c'est le paradis. Allahu Akbar. Donc ensuite le cheikh il explique ce verset là. Il dit qawluhu ta'ala yadkhuluna 'alayhim min kulli bab salamun 'alaykum yadullu 'ala anna fil jannati abwaban kathira. Yani min kulli bab yaqulun salamun 'alaykum bima sabartum ويدل على أن الداخل يقول عند دخوله سلام عليكم كما جاءت به السنة. فعندما تستأذن على إنسان تقول السلام عليكم. فقوله تعالى سلام عليكم بما صبرتم الباء هنا للسببية. وقوله صبرتم أي على الأمور الثلاثة المعروفة عند العلماء وهي الصبر على الطاعة والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله وأعلى هذه الثلاثة يعني أعلى هذه الأنواع الصبر على الطاعة ثم الصبر عن المعصية ثم الصبر على الأقدار. Donc le cheikh il dit et les anges ils rentrent sur eux de toutes les portes. Les anges rentrent sur eux de toutes les portes et ils leur disent paix sur vous, salamun alaykum. Et le cheikh il dit ça c'est la preuve que il y a beaucoup de portes dans le paradis. Il n'y a pas une seule porte, il y a plusieurs portes et de chaque porte il y aura des anges qui vont les accueillir en disant paix sur vous pour ce que vous avez enduré. Et le cheikh il dit que ça c'est la preuve que lorsque la personne rentre dans le paradis, elle va dire salamun alaykum, comme c'est mentionné dans la sunna, hein? C'est rapporté par l'imam Ahmad, Abu Daoud et d'autres également, At-Tirmidhi. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et ça c'est la sunna, que lorsque tu demandes à quelqu'un la permission pour rentrer quelque part, tu dis assalamu alaykum, assalamu alaykum. Ça c'est le salut des croyants. Et il dit wa qawluhu ta'ala, et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit que les anges disent salamun alaykum bima sabardum, c'est-à-dire parce que vous avez été patient et parce que vous avez enduré beaucoup de difficultés par rapport à votre foi. Et le cheikh il explique que les ulama ont expliqué que as-sabr, hein, la patience, l'endurance, elle est de trois catégories. Et c'est les trois catégories qui sont connues chez les ulama. La première, c'est l'endurance face à par rapport à l'obéissance. Donc, tu dois être endurant face à l'obéissance. Parce que pour adorer Allah, ça demande de la patience, ça demande de l'endurance. Peut-être que tu vas commencer à adorer Allah, hein, et tu fais les prières, tu fais le jeûne, et tu fais les adorations. Et puis, tu deviens paresseux, tu deviens fatigué, hein, donc tu te décourages. Et donc, ça demande de la force et de l'endurance et de la patience pour continuer à toujours rester sur l'adoration et toujours ferme sur la pratique et sur l'obéissance d'Allah, tout le temps. Hein? Et il y a une autre catégorie d'endurance, c'est l'endurance du fait de délaisser les péchés. Parce que les péchés sont attirants. Les désobéissances sont des choses qui sont tentantes, c'est des tentations. Alors, pour être capable de résister face aux désobéissances et face aux tentations, ça prend beaucoup de force, ça prend beaucoup de patience, hein? Ça prend beaucoup d'endurance. Hein? Qui est capable d'endurer la tentation? C'est très difficile, ça demande beaucoup de foi, ça demande beaucoup d'efforts. Donc il faut de la patience, il faut de l'endurance. Et la troisième catégorie de patience et d'endurance, c'est par rapport aux choses que Allah a prédestinées pour nous, qui sont parfois douloureuses, qui sont parfois difficiles. Si par exemple quelqu'un il est touché par des maladies, il est touché par des accidents, il est touché par des malheurs, des pertes de vie, des manques de nourriture, des manques d'argent, toutes sortes de choses qui peuvent arriver dans ta vie, tu dois être patient face à ces choses-là. Parce que si tu n'es pas patient, tu risques de faire des bêtises, tu risques de faire des péchés, hein. Si quelqu'un il n'est pas patient, quand il manque d'argent, il risque d'aller voler, il risque de faire des bêtises, il va avoir des problèmes plus graves encore par la suite. Sans parler des choses qui l'attendent dans l'au-delà. C'est certain que il risque dans cette vie d'aller en prison peut-être, ou même s'il a volé dans un pays musulman, dans certains pays musulmans, ils vont appliquer la loi de l'islam. Ils vont couper la main du voleur. Et ça, c'est seulement les châtiments de la vie d'ici-bas. Il y a des châtiments dans l'au-delà plus graves que ça. Peut-être que quelqu'un, il vole, il ne se fait pas attraper. Il dit, ça y est, j'ai réussi, j'ai pas eu de punition. Hein? Mais la justice, elle va être quand même établie un jour ou l'autre. Et c'est sûr que si tu t'es échappé dans cette vie d'ici-bas d'un châtiment, eh ben Yani, dans l'au-delà, il y a Allah subhanahu wa ta'ala qui t'attend. Hein? Et donc, ces trois degrés-là, c'est les trois degrés de la patience. Et il dit le plus haut niveau de patience de ces trois-là, c'est la patience face à l'obéissance d'Allah. Et le deuxième degré, c'est face au fait de délaisser, hein, la patience face au fait de délaisser les péchés et les tentations. Et le troisième degré, c'est d'être endurant face aux choses prédestinées. Parce que les choses prédestinées, de toute façon, même si tu n'es pas patient, eh ben, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de les accepter, parce que même si tu ne les acceptes pas, elles arrivent quand même. Hein? Donc c'est juste contre toi en réalité. Si quelqu'un, par exemple, il est sorti de chez lui, là, il a fait un accident avec sa voiture, hein, ou bien quelqu'un l'a frappé, il peut ne pas être accepté cette chose que Allah a prédestinée pour lui, mais ça lui donne quoi? Ça lui donne rien du tout. Seulement que ça va juste augmenter sa frustration, sa colère, sa tristesse, son désespoir, son malheur. Tandis que s'il est patient, s'il est croyant, hein, ça devient comme une fraîcheur pour lui dans son cœur, parce que il dit, c'est Allah qui a prédestiné ça. Peu importe qu'est-ce que je fais, hein, je peux pas m'échapper de qu'est-ce que Allah a écrit. Il avait prédestiné 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre que cette personne allait me frapper avec ma voiture. Alors, il y a rien que je pouvais faire, hein. Tandis que le kafir, il va dire, oh, mais si j'aurais pas tourné à cet endroit-là, ou si j'aurais pris cet autre chemin, ou si j'étais parti 5 minutes plus tard, ou si j'étais parti 5 minutes plus tôt, hein, ou bien c'est telle chose qui m'a retardé, ou c'est telle chose qui, tu vois, il commence à essayer de, aller changer les choses, puis jouer avec ça. Et ça, c'est le shaitan, yani, qui essaie de le détourner. Le shaykh, il dit ensuite, وهذا هو الأصل في هذه الأنواع الثلاثة أن أعلاها الصبر على الطاعة لأن في الصبر على الطاعة معاناة لحمل النفس عليها ومعاناة لإتعاب الجسد بها أما الصبر عن المعصية فمعاناة لكف النفس عن المعصية فقط ولكن الجسم مرتاح لأنه ترك فقط أما الصبر على أقدار الله فليس فيه معاناة إلا أن الإنسان يفكر ويقول الأمر قد وقع وصبرت يعني صبرت أم لم أصبر ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله في من أصيب بمصيبة إما أن يصبر صبر الكرام وإما أن يسلو سلو البهائم لأن المصيبة مهما عظمت سوف تنسى بحسب الشواغل عن ذكرها فربما ينسى الإنسان مصيبته إذا كان طالب العلم بمجرد أن يجلس مجلسا أو مجلسين لأنه اشتغل بالعلم والتاجر ربما ينسى المصيبة إذا جلس في دكانه ضحوة أو عشية يعني بحسب الحال أما الإنسان الذي ليس عنده شغل فهذا سيبقى الحزن في قلبه مدة وآخر الأمر أن ينسى. Donc on va traduire ça. Le cheikh dit donc ça c'est les trois catégories de patience et les trois degrés. Parmi les trois degrés, le plus haut, c'est, on a dit, l'obéissance, hein, être patient dans l'obéissance. Il dit pourquoi l'obéissance, parce que dans l'obéissance il y a beaucoup de difficultés. Dans le fait d'être patient face à l'obéissance, il y a beaucoup de choses que tu dois endurer. Hein, dans ça, la fatigue physique, hein, la fatigue physique, le fait de pousser ton âme à faire des choses. Parce que l'âme, des fois, elle est paresseuse. L'âme, parfois, elle est paresseuse, elle ne veut pas rien faire. Tu dois te forcer. Et en même temps, tu dois fatiguer ton corps pour faire ces choses-là. Hein? Surtout quand on est jeune, on ne ressent même pas. Quand on est jeune, très jeune, on fait des actes d'adoration facilement. Hein? C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Profite de ta santé avant ta maladie. Hein? Donc tu vas être jeune, tu vas faire ta prière, tu peux faire 20, 30, 40 rakat. Même si tu fais ça, tes genoux ils te font pas mal, ton dos il te fait pas mal. Hein? Tu peux rester des heures, ça dérange pas. Quand tu commences à être vieux, tu commences à sentir les douleurs dans tes genoux, dans tes pieds, dans ton dos, partout. Chaque fois que tu fais un soujoud, tu descends, tu sens la douleur dans tes jambes, ça te fait mal, c'est difficile. Alors ça veut dire qu'il faut être patient, il faut être endurant. Hein? Alors le cheikh il dit également, il faut être patient par rapport au péché, pour s'abstenir de les faire. Donc tu dois retenir ton âme. Hein? Et il dit ça c'est moins difficile. Ça c'est moins difficile parce que tu n'as juste qu'à t'abstenir de faire quelque chose. Donc quand tu t'abstiens de faire quelque chose, c'est pas difficile comme quand tu dois faire quelque chose. Si je te dis, par exemple, prends le minbar, soulève-le, amène-le là-bas. Ça c'est difficile. Mais si je te dis reste assis, ça c'est pas difficile. Je te demande pas de faire quelque chose, je te dis de pas faire quelque chose. Donc, quand Allah il te dit de pas faire des péchés, c'est pas une difficulté. La difficulté, elle est pas dans qu'est-ce que tu as à faire, mais plutôt, tu dois te retenir de pas le faire. Et c'est, d'un côté, c'est plus facile, mais parfois c'est plus difficile parce que la tentation est tellement forte, est tellement grande, peut-être que la personne n'arrive même pas à se retenir. Hein? Quand la foi de la personne est faible, hein, elle peut pas se retenir, elle va le faire. Hein? Tu lui dis, fume pas la cigarette. Il commence à manger ses ongles, il commence à... Hein? C'est vrai, il commence à frapper, il commence à tourner, il peut plus. Hein? Toutes les cellules de son corps qui sont dépendantes de la nicotine, là, il ne peut pas s'en passer. Et puis, il faut qu'il fume. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est un exemple. C'est une fitna. Donc tu dis, fume pas. C'est pas bon fumer. C'est haram. Donc, on lui demande de délaisser quelque chose. Donc c'est facile, c'est pas difficile. Mais ça prend de la volonté, ça prend de la foi, ça prend de la fermeté. Donc ça prend de la patience et de l'endurance. Également aussi, la patience face aux choses que quelqu'un a subi par rapport à ce que Allah a prédestiné pour lui. Eh bien, le cheikh il dit, ça c'est pas non plus très difficile. Ça demande pas tellement d'efforts. La seule chose par contre, c'est que la personne elle va penser, elle va réfléchir. Comme je disais tout à l'heure, elle va dire, ah, pourquoi c'est arrivé comme ça? J'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça. Ça, c'est si elle n'est pas croyante. Mais l'affaire est arrivée déjà. Donc, ça s'est déjà produit. Donc, que tu sois patient ou que tu ne le sois pas, tu peux rien changer à ça. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé. Hein? Mais lorsque tu es un croyant, tu regardes les choses d'une autre façon. Tu vas dire, peut-être que j'ai eu ce malheur, mais peut-être que ce malheur-là, il aurait pu être plus grave. Peut-être que ce problème-là, il aurait pu être plus grave encore. Hein? Bon, là, peut-être tu dis, j'ai frappé ma voiture, maintenant ma voiture, je dois l'amener au garage. Mais j'aurais pu être mort. Hein? J'aurais pu perdre une jambe, j'aurais pu perdre mon bras, j'aurais pu être paralysé. Tandis que là, maintenant, non, alhamdoulilah, j'ai rien. Donc, tu penses à ceux qui ont eu plus pire que toi. Comme difficulté, comme malheur. Et tu réalises que Allah t'a quand même fait une grâce. Peu importe qu'est-ce que tu as eu comme malheur, il y en a quelqu'un qui a eu pire que toi. Donc ça, déjà, ça diminue la douleur, ça diminue les problèmes. En même temps aussi, tu vas dire, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'effacer des péchés par rapport à ça. Il t'efface des péchés par rapport à cette musiba. Donc il y a un bien pour toi aussi dans ça. Donc toutes ces choses-là réunies, tu sais que ça vient alléger dans ton cœur cette musiba, elle devient plus facile à accepter. Surtout le cheikh, comme il dit, comme les ulama, ils ont mentionné que lorsque quelqu'un il a un malheur, s'il est patient, soit il va être patient ou bien soit il va se plaindre comme les bêtes. Et il dit là, le malheur, s'il est grand, même s'il est grand, tôt ou tard tu vas l'oublier. Hein? Et il dit, si c'est un talib ilm, il va aller dans un dars, il va s'asseoir avec le dars, le cheikh, il va oublier qu'est-ce qu'il a comme problème. Parce qu'il pense au dars. La personne, s'il est par exemple un commerçant, il va s'asseoir dans son magasin, il fait 2-3 ventes, il a oublié qu'est-ce qui lui est arrivé. Hein? Ou bien, yani, n'importe quelle autre personne. Il était triste, mais le fait de s'occuper, il oublie. C'est la personne qui a rien à faire, elle, c'est elle qui va être plus triste, hein, qui va être plus longtemps triste. Jusqu'à la fin, après là, elle va oublier. Donc ça, c'est les 3 degrés. Et le cheikh, il dit, est-ce qu'on a lu ça? Il dit, فصار الصبر ينقسم إلى ثلاثة أنواع الصبر على الطاعة وعن معصية الله وعلى أقدار الله والصائم يحصل له الصبر على الأمور الثلاثة فإنه يصبر على طاعة الله فيصوم ويصبر على عن معصية الله فلا يفطر ويصبر على أقدار الله يعني بالجوع والعطش والهزل وما أشبه ذلك فصبر يوسف عليه السلام حصل له الأنواع الثلاثة إذ صبر على طاعة الله في صبره على التوحيد وصبر عن معصية الله حيث كف نفسه عن فعل الفاحشة بامرأة العزيز وصبر على أقدار الله يعني السجن وأيضا صبر على الدعوة إلى الله لما استفتاه صاحب السجن قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار وهذه المسألة يجب على الداعية أن يتنبه لها فالذي جاء يسأل يكون مستعدا أن يمتثل لما تقول فانتهز الفرصة فالذي جاء يسأل يكون مستعدا أن يمتثل لما تقول فانتهز الفرصة فمثلا لو جاءك إنسان ليسأل وهو حالق لحيته فأفتيه وأريه وجه بشر وطلاقة ثم قل له همسا بأذنه إن كان حولكم أحد وإن لم يكن حولكم أحد فبالكلام العادي لأن انتهاز الفرص في مثل هذه الأمور مهم جدا. Le cheikh il explique, il dit, donc l'endurance et la patience, c'est dans ces 3 choses là. La première, la patience dans l'obéissance d'Allah. Le deuxième, la patience de délaisser les péchés. Et le troisième, d'être patient face au malheur que Allah a prédestiné. Et la personne qui jeûne, il lui arrive ces 3 degrés de patience réunis ensemble. Pourquoi? Parce que quand il jeûne, il est patient face à l'obéissance d'Allah. Hein? Comme dans le Ramadan par exemple. Allah lui a ordonné de jeûner, il jeûne. Donc il endure dans l'obéissance. Il est patient dans l'obéissance. Donc il jeûne. Et il endure de ne pas désobéir à Allah. Il est patient dans le fait de délaisser le péché et la désobéissance d'Allah. Donc il ne va pas manger avant le Maghrib. Il ne va pas boire avant le Maghrib. Et il va être patient face aux choses que Allah a prédestinées, qui sont difficiles et dures, comme par exemple la faim. Parce qu'il ne mange pas, il ne boit pas, donc il a faim, donc il est endurant. Tous ces trois degrés de patience sont réunis dans le jeûne. Et il mentionne l'exemple de Youssouf alayhi salam, qui lui est arrivé par exemple des choses qui ont testé sa patience dans ces trois degrés de patience aussi. Ces trois catégories de patience. L'exemple de sa patience dans l'obéissance d'Allah lorsqu'il a été patient sur le tawhid et l'adoration d'Allah seul. La patience qu'il a eue aussi du fait qu'il a délaissé le péché lorsqu'il a été invité à la turpitude avec la femme de Al-Aziz, qui voulait l'agresser, qui voulait profiter de lui. Allah musta'an. Et il a résisté, il ne s'est pas laissé tenter. Une femme qui était belle, une femme qui était noble, une femme qui était riche, et qui se donne à lui, qui l'invite à la turpitude, et lui il est patient, il est endurant, il fuit de ça parce qu'il est sincère et il est pur dans son cœur, il veut pas le péché, alors il fuyait de ça, donc il a été patient face à ça. Et également la patience et l'endurance face aux difficultés qui ont été prédestinées, il a subi ça lorsqu'il est allé en prison alayhi salam. Donc Youssouf alayhi salam, il est rentré en prison. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu justement commettre le péché, et la femme de l'Aziz, elle l'a accusé alors qu'il était innocent. Elle a été frustrée parce qu'il s'est abstenu, il s'est retenu d'elle, il n'a pas accepté ses avances. Alors elle, pour se venger, eh bien elle l'a accusé d'avoir essayé de l'agresser alors qu'il était innocent de ça. Et il a préféré la prison. Même il a dit, même comme c'est mentionné dans le Coran, il dit: oh mon Seigneur, la prison est préférable pour moi que ce à quoi elle m'invite. Ça veut dire il préfère la prison que de faire le zina. Aujourd'hui, si tu vois les gens, la plupart des gens qui n'ont pas de foi, wa alaykum salam wa rahmatullah, ou qui ont une foi faible, ils ne résistent pas dans ces tentations-là. Ils vont dire, ah, moi je préfère le zina que la prison. Je ne veux pas aller en prison. Et Youssouf alayhi salam, il dit: non, je préfère aller en prison. Mets-moi en prison. Je ne veux pas faire le zina. Subhanallah. Donc ça, c'est l'iman, c'est la force de la foi. Et le cheikh ensuite, il dit, lorsque il était en prison, les gens sont venus lui poser des questions, et il a été patient dans la da'wah, et il a répondu à ses compagnons de prison par rapport à différentes choses, et il en a quand même profité pour leur faire la da'wah au tawhid. Et il leur a dit: oh mes compagnons de prison, est-ce que des seigneurs séparés sont meilleurs que, ou bien Allah le tout-puissant, l'unique et l'unique et al-qahhar, comment on traduit al-qahhar, j'ai oublié le arbab mutafarriquna khayrun am Allah al-wahid al-qahhar. Donc c'est le verset 39 dans sourate Yusuf alayhi salam. Oui, le dominateur suprême, c'est comme ça qu'ils l'ont traduit. Donc c'est ça, ils ont dit: qui est meilleur, le seigneur des seigneurs éparpillés ou Allah l'unique, le dominateur? C'est clair que Allah subhanahu wa ta'ala c'est mieux, c'est lui le créateur, le maître de tout, tandis que eux ils adorent des petites زيدول qui n'ont aucun pouvoir. Et le cheikh il dit ensuite: وهذه المسألة يجب على الداعية. Il dit la personne qui fait le داعية, qui fait la da'wa, elle doit faire attention à ces opportunités-là pour faire la da'wa, dans toutes les circonstances. Et ça, c'est des choses que les gens, ils pensent que ça, c'est juste pour les prophètes ou les gens de non, c'est même pour nous aujourd'hui. Tu peux être dans une circonstance ou dans une situation où tu vas être en train de parler avec quelqu'un qui n'est pas musulman, hein, que ce soit yani, un homme, une femme, dans une circonstance où elle, yani, vous parlez d'un sujet que ça touche avec la religion ou l'islam, et tu en profites pour leur expliquer le tawhid. Hein? Et pour leur expliquer que Allah subhanahu wa ta'ala est unique et que c'est ça le message de l'islam. Parce que les gens ils savent pas. Beaucoup de kuffars ils savent pas l'islam, ils savent pas le tawhid. Ils savent pas que l'islam même c'est basé sur le tawhid. Hein? Ils pensent que l'islam c'est une religion comme les autres. Hein? Donc vous en profitez pour leur faire le message. Et même si c'est un musulman aussi qui vient vous parler. Peut-être que vous avez une occasion de lui montrer quelque chose de bien de la religion. Il dit, par exemple, tu dois profiter de ces occasions-là. Si quelqu'un, il vient, par exemple, il vient te poser une question. Il dit, si la personne, elle se rase la barbe, hein, eh ben, toi, tu vas l'accueillir avec un sourire, hein. Yanni, tu vas l'accueillir avec un sourire, hein. Et tu vas lui dire à l'oreille, hein, tu vas lui chuchoter à l'oreille pour lui donner la nasiha. Mon frère, tu ne devrais pas raser ta barbe, ça c'est haram. Mon frère, pourquoi tu rases ta barbe, hein? Mais, ou bien si tu es tout seul avec lui, tu lui dis doucement. Mais s'il y a d'autres personnes, tu lui dis tout bas, tu lui parles dans son oreille comme ça. Mon frère, t'as pris là, ça c'est pas permis. Comme ça, il ne va pas être gêné devant tout le monde. Mais si tu lui dis devant tout le monde, « Hey, toi, là, tu ne rases pas ta barbe. » Là, il va dire, « Mais pour qui il se prend, celui-là? Pourquoi il me parle comme ça? Il veut m'humilier devant tout le monde. » Il ne va pas accepter. Donc, il faut être sage. Il faut parler avec les gens, avec sagesse, faire en sorte que les gens acceptent. Le but, ce n'est pas de rabaisser ou d'humilier les gens ou de faire sentir mal les gens. Au contraire, le but c'est de les rapprocher d'Allah, de les faire connaître Allah, hein, de les faire aimer Allah. Donc, si tu leur parles d'une façon avec sagesse, tu l'amènes de côté, tu dis, mon frère, hein, souvent j'ai vu des frères salafis, ils rasent leur moustache. Hein, raser la moustache, c'est haram, c'est pas permis. Tu dois laisser pousser la barbe, mais tu ne peux pas raser la moustache, tu dois la baisser. Coupe la moustache, tu la diminues, mais tu ne la rases pas complètement jusqu'à la peau. Et puis quand j'ai dit ça à des frères, hein, j'ai vu des frères, j'ai vu qu'ils font ça, je l'ai appelé, je dis, Harry, je voudrais te dire quelque chose, barakallahu fik. Je ne sais pas si tu es au courant, mais le rasage de la moustache, là, ce n'est pas permis. Hein. Ça, c'est une bid'a, même certains ulama ont dit ça, c'est une bid'a. Après, ils ont dit, oh, Harry, je ne savais pas et tout et tout. Je lui ai montré la fatwa, les paroles des ulama. Après, il a dit, ah, barakallahu fik, je ne savais pas. Donc, après ça, il a su. Mais peut-être des gens, ils ne savent pas ça. Hein? Donc, il faut leur expliquer. Puis, tu lui parles avec le sourire. Tu lui montres que, yani, subhanallah, il y a des gens, s'ils voient, comme le cheikh il disait, s'ils voient quelqu'un qui fait un péché apparent, ou même une femme qui ne porte pas le hijab, hein? Elle veut poser une question sur la religion d'Allah. Elle veut connaître quelque chose sur l'islam. Et puis toi, tu la regardes comme ça. Comme si tu veux. Comme si tu es fâché, là. Hein? Qu'est-ce qu'elle a, cette femme? Elle se voile même pas. Hein? Elle est perdue. C'est une égarée. Elle fait la fitna. Oui, mais peut-être qu'elle peut changer. Toute personne peut changer. Elle peut devenir une bonne musulmane. Elle peut commencer à porter le djilbab et commencer à se voiler de la tête aux pieds. Hein? Mais il faut savoir comment lui expliquer, comment lui parler. Parce qu'il y a beaucoup de shayatines à notre époque, des diables. Quand ils appellent au faux, hein, ils appellent comment? Quand ils appellent au faux, comment ils appellent au faux? Est-ce qu'ils crient sur les gens? Non. Ils les appellent avec douceur, avec gentillesse. Ils font tous les moyens pour essayer de les attirer vers le faux. Et toi, tu appelles les gens au vrai, puis tu agis comme ça. Tu fais ton méchant, tu fais ton dur, tu fais quelqu'un qui est bête avec les gens, puis tu espères qu'ils vont t'écouter ou qu'ils vont accepter de toi. Ça, c'est contraire à la nature même. C'est contraire à la nature humaine. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas insulter quelqu'un, dénigrer quelqu'un, espérer que la personne elle va accepter de toi. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas possible. Hein? C'est comme si tu espères le contraire de la réalité. Malgré que ça peut arriver, mais c'est Allah qui a voulu guider la personne si ça arrive. Dans tous les cas, c'est Allah qui guide. Mais des fois, il y a des moyens de faciliter l'acceptation pour les gens. C'est comme si tu dois prendre un médicament qui goûte très mauvais. Hein? Si tu dois prendre un médicament qui goûte mauvais ou qui a un mauvais goût, hein? Tu dois trouver quelque chose pour mettre sur ça qui va faire que ça va descendre facilement. Tu mets du miel dessus, hein? Tu mets quelque chose, la personne va l'avaler facilement. C'est vrai, parce que sinon c'est difficile à avaler. La vérité, elle est dure à accepter. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc il y a des moyens parfois de la simplifier ou de faire paraître les choses plus belles. Et de les faciliter. Naam. Ouais, donc comme tu dis, pour les femmes, l'idéal c'est que ce soit une femme qui leur parle. Mais dans des situations où, comme par exemple dans des pays comme ici, là, les femmes qui font la da'wah, là, tu peux les compter sur les doigts. Il n'y a presque pas de femmes qui vont faire da'wah aux femmes ou qui vont enseigner les femmes. Alors ça veut dire que dans ce cas-là, il faut vraiment faire attention, parce que ça, c'est des situations très dangereuses et délicates. Mais quand même, il y a des moyens que tu peux employer. Comme par exemple, une femme, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux lui donner un livre. Tu vas lui donner quelque chose à écouter. Tu lui dis, écoute, moi, je ne peux pas t'expliquer. Je ne peux pas m'asseoir avec toi pour te parler, parce que ça, ce n'est pas permis. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux te donner un livre. Tu lis ça. Ou bien tu lui dis, je ne peux pas, par exemple, te parler, mais écoute cet enregistrement, là, cet audio, puis tu vas apprendre. Ou bien sinon, elle va appeler l'imam, elle va lui poser la question, si c'est possible qu'elle l'appelle au téléphone, ou bien qu'elle lui écrive par email une explication. L'imam va lui expliquer. Ou bien aussi la possibilité que elle passe par des femmes, des sœurs musulmanes qui vont lui expliquer la religion. Et ça, c'est l'idéal, parce que la femme, quand elle va être avec d'autres femmes, elle va pouvoir lui expliquer mieux, plus à l'aise. Et il n'y aura pas de tentation dans ce cas-là. Mais parfois, qu'est-ce qui se passe? Le malheur, c'est quoi? C'est que certaines sœurs, si elles ne savent pas faire, si elles ne savent pas comment faire la da'wah, et si elles n'ont pas suffisamment de connaissances, peut-être, elles ne savent pas comment faire passer le message. Donc c'est ça le malheur. Et ça, c'est une chose qui manque beaucoup. Hein? C'est ça une chose qui manque beaucoup. Des sœurs qui sont impliquées d'une certaine façon pour aider d'autres sœurs à pratiquer l'islam, puis de les orienter, puis de leur expliquer un peu des choses par rapport à la pratique de la religion. Ça, c'est important. Surtout quand il y a des jeunes qui sont convertis, ou bien des jeunes femmes qui sont nouvelles dans la pratique de la religion, qui commencent à connaître la sunna, elles veulent commencer à pratiquer, mais elles ne connaissent pas beaucoup, elles ont besoin d'aide. C'est bien qu'il y ait des sœurs qui soient capables de leur donner quelques bases et de leur expliquer quelques principes. Hein? Ça, c'est toujours bénéfique. Je me rappelle quand ma mère, elle était convertie au début. Bon, moi, je lui expliquais des choses, mais elle avait une amie italienne qui était convertie. Puis c'est elle qui lui l'a beaucoup aidé au début dans la connaissance et la pratique de la religion. C'était l'épouse d'un de mes amis, donc elle l'a beaucoup aidé. Plus facilement que si c'était moi ou bien quelqu'un d'autre. Hein? Donc c'est bien qu'il y ait des sœurs comme ça, qui sont plus instruites, puis qui savent mieux comment expliquer à d'autres femmes des choses sur la religion. Comme ça, ça évite la tentation. Parce que beaucoup de frères, parfois, ils sont tombés dans la fitna à cause de ça. Ils ont voulu parler à une sœur pour lui expliquer l'islam, puis à la fin, bon, ils commencent à détourner de la da'wa. Ça devient plus une da'wa à l'islam, ça devient une da'wa au mariage. Hein? Au lieu que tu veux l'appeler à l'islam, tu l'appelles au mariage. Et puis peut-être que ce n'est pas nécessairement la meilleure chose pour elle, et ce n'est peut-être pas la meilleure chose pour toi non plus. Donc, il faut savoir ne pas mélanger le cœur et la da'wa, dans le sens que c'est deux choses qui doivent être séparées. Parce que sinon, là, en même temps, tu fais plus la da'wa pour Allah, tu fais la da'wa à toi-même. C'est vrai. Donc, c'est pour cette raison-là que quand quelqu'un il commence à vouloir faire la da'wa à des femmes, tu ne sais pas est-ce que l'intention c'est pour ça ou si c'est pour Allah. Donc, dans ce cas-là, il faut vraiment être encore plus vigilant et s'écarter des shubuhat et des fitan. Hein? Et moi, c'est pour ça que je dis, faites très attention à ça. Le shaitan, il joue. Peut-être même toi, tu penses au début que tu es sincère, puis finalement, le shaitan, il joue avec toi. Tu t'en aperçois même pas, puis tu tombes dans son piège. Hein? Ah oui, donc c'est ça. Donc il faut vraiment s'écarter de ça. Et il y a beaucoup de prêcheurs, malheureusement, ou des gens qui se prétendent prêcheurs, hein, qui sont tombés dans le panneau, comme on dit. Ils sont tombés dans la fitna des femmes. Et on a entendu des histoires qui se sont propagées par rapport à certains. Il y en a qui marient des femmes un petit peu partout. Ils marient une femme à gauche, une femme à droite. Après, ils divorcent celle-là, ils divorcent celle-là, ils divorcent celle-là. Après, ça fait du tort à la da'wa à la fin. Parce que ça laisse une mauvaise image à la da'wa. Les gens, ils vont dire, ces gens-là, ils sont pas sérieux. Comment ça, ils divorcent toujours les femmes? Ils marient une et divorcent demain. Ça, c'est pas correct. Hein? Donc, il faut, si tu es dans la da'wa, encore plus, c'est dangereux de tomber dans ces choses-là. Donc, il faut pas jouer avec ça. Il faut pas jouer avec ça. Il faut mettre des limites très, très strictes pour éviter de tomber dans ces affaires-là. Non. OK. Pour continuer la suite du point que le cheikh il explique, il dit وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنَّ الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ فِي السَّمَاءِ يَدْخُلُهُ فِي وَفِي رِوَايَةٍ يُصَلِّ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 مَلَكٍ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ آخر ما عليهم. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé une maison qu'on appelle Bayt al-Ma'mour, et cette maison c'est comme un lieu dans lequel les anges entrent pour prier, et cet endroit là il est dans le ciel. On appelle en arabe al-Bayt al-Ma'mour. Hein? Bon, Allahu a'lam. Je me limite à ce que le cheikh il dit. Il dit c'est une maison qui est dans le ciel. Il dit chaque jour il y a 70 000 anges qui entrent dans cette maison là pour prier. Et il dit ils n'y reviennent plus jamais. Ils viennent et ils n'y reviennent plus jamais. Donc ça veut dire que chaque jour c'est 70 000 anges nouveaux qui rentrent à chaque fois. C'est jamais les mêmes. Et le cheikh il dit, il rentre, il prie là-bas sans plus jamais y revenir, ayant accompli la dernière chose qui leur était imposée. Et ça c'est la fin donc de ce chapitre au sujet des anges. On va lire donc l'explication de ça. Après on va s'arrêter inshallah. Le cheikh il dit كل يوم كل يوم أكثر وما أكثر الأيام كل يوم وما أكثر الأيام وما أضعفنا أن نحصيها يدخل هذا البيت المعمور 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه وعلى هذا فيدخله في الأسبوع الواحد 490,000 ملك سبحان الله وما أكثر الأسابيع الماضية والمستقبلة لا ندري لكنها كثيرة وهذا يدل على كثرة الملائكة وأنهم عالم بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم أبطت السماء وحق لها أن تأط وما من موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد والأطيط صرير الرحل المحمل فمثلا البعير يكون على ظهرها رحل ثم تحمل وعندما تمشي تسمع له صريرا يعني وهذا موضع أربع أصابع في السماء بينما الأرض فيها آلاف الأميال ليس فيها راكع ولا ساجد ولكن السماء معمورة بالعباد الذين يعبدون الله عز وجل وهم أقدر من الجن على ما تفعله الجن ولا يفعله الإنس ومن ذلك قصة سليمان عليه السلام لما جاءه الهدهد بخبر ملكة سبأ يعني وسبأ في الجنوب في اليمن وسليمان في الشام قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وكان له وقت محدد يقوم فيه فالمعنى آتيك الآن قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين فالجن فيهم أقوياء وفيهم أمناء وفيهم صالحون وفيهم طلبة علم وفيهم عابدون ثم قال تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فأيهما أسرع الجواب الثاني ولهذا قال تعالى فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي حالا رآه فرآه ثابتا مستقرا كأن له أياما فقال هذا من فضل ربي قال العلماء رحمهم الله إن الذي عنده علم الكتاب دعا الله عز وجل فأتت به الملائكة والملائكة أقوى من الجن donc ça c'est la fin de l'explication pour le chapitre des anges le cheikh il dit donc al-bayt al-ma'mour c'est une maison dans le ciel dans laquelle chaque jour 70 000 anges entrent 70 000 anges entrent tous les jours et ils ne reviennent jamais. Ils ne reviennent plus jamais. Et donc, le cheikh, il dit, comme sont nombreux le nombre des jours, on est faible même à pouvoir les calculer. Donc, imaginez, dans une semaine, combien d'entre ces anges-là peuvent rentrer. Tu fais 70 000 fois 7. et ça fait 490 000. Donc le cheikh il dit, hein, comme ils sont nombreuses les semaines passées et à venir, chaque jour, chaque semaine il y a ce nombre-là d'anges qui rentrent et ils ne reviennent jamais. Ça veut dire que les anges sont le nombre est innombrable, tu ne peux pas les calculer. Et il dit que dans un hadith qui est rapporté par Ahmad et At-Tirmidhi, Tirmidhi selon Abi Dhar al-Ghifari, il dit que les cieux ils font un bruit, hein? Il n'y a pas un espace de quatre doigts dans les cieux, excepté qu'il y a dedans un ange qui est debout ou en train de s'incliner ou en train de se prosterner. Ça dit que dans le ciel, il n'y a pas un espace de quatre doigts, excepté qu'il y a un ange là, qui soit il est en train de prier debout, soit il est en train de s'incliner, de faire recours, ou bien soit il est en train de faire sujoud. Ça veut dire, le ciel, il est rempli. Il dit, tu vois la surface de la terre, le cheikh dit, tu vois la terre, hein, elle est grande, elle est vaste, et pourtant, tu vois plein d'espaces où il n'y a pas de gens qui sont en train de prier. Combien d'espaces où il n'y a pas de gens qui sont en train de prier? Dans le ciel, par contre, même pas quatre espaces de quatre doigts, il n'y a pas d'espace vide. Il y a juste, hein, entre quatre espaces de quatre doigts, puis il y a un autre ange à côté qui est en train de prier. Donc ça veut dire que le ciel, il est rempli d'adorateurs qui adorent Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il dit, hein, il dit ensuite, et les anges, ils ont plus de force que les djinns. Et les djinns, eux aussi, ils ont plus de force que les êtres humains. Hein? Donc les plus fortes des créatures, parmi les créatures, c'est les anges. Et il mentionne l'exemple de Suleyman, alayhi salam, lorsque il a eu la visite de Al-Hudhud, hein, c'est la poutre, comment on appelle, pas la poutre, la loupe, non, c'est Al-Hudhud, c'est une sorte d'oiseau, la huppe, hein, c'est la huppe, c'est ça, je cherchais le nom là. Bon, la huppe, subhanallah, elle est venue, hein, avec une information à propos de Malikatu Saba, la reine de Saba, qui était au Yémen. Vous voyez, c'est un ange, c'est pas un ange, c'est un oiseau qui lui a donné l'information. Il a dit, il y a une reine là-bas, au Yémen, hein, elle a un grand tronc, et j'ai vu son peuple qui se prosterne au soleil, hein, se prosterne au soleil. Donc c'était des mushrikines. Alors, il lui a écrit une lettre, hein, et finalement elle a décidé de venir, hein, elle a décidé de venir avec ses conseillers, et donc pendant qu'elle était en chemin pour venir, Suleyman alayhi salam, il a dit, qui d'entre vous est capable de m'amener son trône ici? Alors il y a un des djinns parmi les ifrites qui a dit, moi je suis capable de te l'emporter ici avant que tu te lèves de ta place. Et le temps que ça prend pour se lever, c'est pas beaucoup. Mais il y en a un autre qui a dit, et moi, c'est un autre qui avait la connaissance du livre, il a dit, moi je suis capable de te l'amener avant même que tu clignes tes yeux. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Non. Ça, c'est quelqu'un qui avait la connaissance du livre. Non, c'est un ange. C'est un ange qui l'a ramené. Alors, il l'a ramené. Dans un seul instant, il a vu le trône apparaître devant lui. Hein? Comme s'il est apparu comme ça d'un seul coup. Et les ulama ont dit que celui qui avait la connaissance du livre, il a fait dua à Allah, et donc les anges sont venus le prendre, le trône, puis l'amener jusque là. Donc les anges sont plus forts que les djinns. C'est ça l'explication. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. on a complété le chapitre au sujet de la foi en les anges. Maintenant, on va commencer la semaine prochaine, inshallah, al-imanu bil-kutub, la foi en les livres d'Allah. D'accord? سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته